En signe de félicitations à l'élection du camarade Kim Jong-un au poste de président du Parti Travail de Corée, les délégations des ministères de gouvernement, des organisations politiques et sociales, ainsi que les personnalités de divers milieux, ont visité du 9 au 13 coron les ambassades coréennes dans leur pays. Ce sont les délégations du ministère des Forces armées révolutionnaires de Cuba, du Parti démocrate Khmer, de l'Association de football de l'armée du Royaume, de l'Association de taekwondo du Cambodge, le secrétaire général du Parti ouvrier du Congo démocratique, le secrétaire général du comité central du Parti ouvrier bangladais, le président du Forum allemand anti-impérialiste, etc. Ils ont déposé les corbeilles et bouquets de fleurs devant le tableau de peinture du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il avant de formuler leur hommage. Par ailleurs, toujours à la même occasion, le co-administrateur général du fonds Kim Il-sung Kim Jong-il, l'administrateur général du groupe d'investissement général d'Italie, l'administrateur général du Conseil international du groupe financier pour les échanges extérieurs d'Italie, le secrétaire général du comité de fonds d'énergie Chine, le président du groupe Empereur et le directeur général de la compagnie LTD du tourisme de Jinli de Hong Kong de Chine ont fait parvenir les corbeilles de fleurs aux représentations coréennes dans leur pays.